Je m'appelle Clara, j'ai 17 ans et je suis lycéenne. Et moi, je m'appelle Alexia, j'ai 17 ans et je suis lycéenne aussi. Est-ce que cette intervention, ça vous a pas permis de prendre conscience des choses, parce que je suppose que vous étiez déjà un peu au courant, mais est-ce que vous avez quand même appris des choses? Moi, je n'ai pas forcément appris des choses, mais je me suis rendu compte que des choses qu'on trouvait normales, et ben, finalement, c'était peut-être pas si normal que ça, des trucs auxquels on était habitués en tant que femme et que c'était pas forcément normal. Oui, moi aussi. Moi, j'étais déjà au courant de certaines choses, mais j'ai encore pris conscience, des dangers que les femmes pouvaient avoir dans leur quotidien, en fait. Et surtout qu'il y en a beaucoup, qu'on est vraiment nombreuses comme ça. Et alors, justement, vous pensez que c'est important, ce genre de journée, ce genre de prévention? Oui. Bah, je pense aussi que c'est important. Ok. Et est-ce que vous pensez que ça fait avancer les choses? Ça dépend pour qui. Enfin, ça dépend pour s'il y a des gens qui ont une bonne mentalité, qui comprennent et qui sont indulgents. Pour d'autres qui sont totalement fermés, ça n'aide pas beaucoup. Mais pour c'est toujours bien d'avoir un peu une ouverture sur le monde pour faire comprendre aux gens les messages importants. Puis je pense que c'est toujours utile de rappeler à tout le monde. Enfin, il y en a qui sont pas forcément assez au courant, puis ils peuvent se remettre en question. Et je pense que c'est quand même utile, surtout pour les jeunes. Voilà. Est-ce que vous auriez des idées ou des solutions pour faire progresser les choses? Peut-être en parler même plus tôt, presque le CP, dès qu'ils sont en âge de comprendre, de faire peut-être des jeux pour les petits pour leur apprendre. Maintenant c'est un peu avancé, mais les jouets par exemple, avant c'était tout le temps les filles qui avaient des trucs pour la cuisine, les garçons. Maintenant ça a un peu évolué, mais avant c'était quand même beau comme ça. Oui, je suis d'accord, on est sensibilisé trop tard en fait, toujours. C'est toujours trop tard. En fait, on est sensibilisé quand ça s'est passé, quand le plus grave s'est passé, en fait. Alors qu'on devrait déjà en prendre conscience bien avant. Du coup, cette journée, est-ce que vous avez retenu des choses? Est-ce que vous avez appris des choses qui vous ont marqué? Moi, déjà, les chiffres, je savais pas que c'était à ce point-là. Après, Puis c'est bien qu'il y ait des endroits d'écoute pour les femmes et tout. Ça, je savais pas qu'il y avait ça. J'en ai pas besoin, mais c'est bien quand même. N'est-ce pas le CIDFF? Non. Non. Merci beaucoup. D'accord.